Anne Corm, c'est moi. La nouvelle société composée de trois membres sont tous dangereux parce qu'ils n'opèrent que dans la nuit. Parmi ces trois membres, il y a un caïman, un crocodile, un corongoro. Didango wa menyamba maguyo nana Amango wa mamama akayode Akayone ya bimenzu gangano Wabena luku vendo wako tobi wondo Kate tobi wondo no liga ka wula mosu Wa wula luwa ntu ezebe na mwe Ye kaye ma, ye kokodilo Ye koronkoro mambara yiwo et le rôle de tout un chacun. Kaïma, c'est la jeune fille qui se pointe au bas pour vous escroquer. Alors, elle vous ramène chez elle, elle vous montre à la maison là où accroche votre pantalon. Un trou sous le mur, une pointe à côté du plafond. Et tous les gestes que tu effectues ici-bas, il y a quelqu'un qui te guette comme un bon Dieu. Endormi comme éveillé, je surprends mon pantalon qui rampe le long du mur comme un vieux serpent à l'achat des souris. Je suis sorti, je tire mon pantalon avec violence. Je sens un gros coup, comme un vieux margouillard, et un bras qui sort du plafond. Je me dis, donc, il y avait un korom-korom ici en haut. Alors, je m'habille rapidement, je prends fuite. À 100 mètres, je croise le crocodile. Il me sort un langage inconnu. Il me dit, à ses brodeurs, comme il y a un flot fodé. Ok, il me croit bien, c'est frère Saint-Air. Je lui dis que mon frère, j'en ai assez de problèmes comme ça ce soir. J'ai failli mourir. Laisse-moi passer. C'est de là. Il me sort son arme secrète, le PV. C'est l'abréviation d'un tournevis américain ou français. Tournevis égale tournevis. En voulant régimer, il me donne un coup sur la poitrine. Je tombe par terre. Et les gens se mettent à rire. Regarde un jeune homme qui tombe par terre avec sa jolie veste. C'est l'effet de l'odontole. Et pourtant, j'ai subi une agression. Ouais, le monde. Spécial à son excellence monsieur Joseph Owona, mon ami personnel. Alors dans le même carrefour de Momba, je sors pour faire mon ambiance. Je retire de ma poche 2 pièces de 5 francs pour acheter ma cigarette. Alors une jeune fille se met à rire. Elle se moque de moi en disant, regardez-moi celui-ci. Il sort, il n'a rien. On connaît un bas à moi. Mais tu sors le billet des clients, c'est un enfoiré. Alors, je sors mon billet de 5 000. Je dis au barman Minkoulou, serre-moi une bière. La jeune fille ayant vu l'argent, elle se pointe devant moi en disant, bonsoir mon frère, je voulais vous demander l'heure. Je lui dis qu'il n'est que 22h02. Alors, la jeune fille s'écria, ouais, la soirée est trop froide. Si je trouve un client de 500, qu'on va à la maison jusqu'à l'heure. La jeune fille, voyant que je ne la regarde même pas, elle dit à sa sœur, quand me l'on m'a dit, il y a une femme, il y a une femme, il y a une femme. Voilà Martine qui se présente. Elle brille comme une étoile. Elle lance son pied gauche plus à gauche et son pied droit plus à droite. Elle renvoie son bassin devant. Elle commence à marcher en disant ceci. C'est ce que vous aimez vous les garçons, c'est ça. Bravo, quoi? C'est ce que vous aimez vous les garçons. Et voilà Martine qui arrive là où j'étais. Alors Jean-Pierre, Athénée Francis. Alors, à Berme Bisouama, le rouge à lèvres reste sur mes joues. Arrivé à la maison, ma femme conduit devant le miroir et se met en colère. Je me rends donc compte qu'il y avait du rouge à lèvres sur mes joues. Je me mets donc à rire comme un jour de poker. Ma chérie, c'est un accident d'ambiance. Yeah! Abba Salam, Amman Kwen Bikwad. Hey! Abba Salam, Amman Kwen Bikwad. I'm fucking money. zombie ding ding. Ako. Aïe. Ako. Aha. Amango wa mama ma wuyo naya. Didango wa manyamba ma wuyo nana. Amango wa mama ma kayo de. Akayo ni yabdi menzuranga no. Wabena lugu veno wako tobi wundu. Kato tobi wundu no lira ke ulamos. Wawula lu wuntu eze benamwe. Ye kaye ma, e koko dilo. E koron koron mambara yi wo. Ye ye ye. Aha, makado na, lo donkin, Angulo Joseph. Makado le papi aux Etats-Unis, le représentant du groupe Angula. Et Bassi Simon. Mon beau-frère Jacob de Monaco à Paris. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Manu Quendi Quad. A non wokati, a vino o mana water the fanta, long no wula baba. Batanaza, hum fuck a money. Baula, hum fuck a money. Bayola ma Jean Pierre, Bayola ma Francis, a munette, hum fuck a money. A ting, Norman, then the domain dignity, your benedictine, Norman, then the domain dignity, your benedictine, Bram, what? C'est ça que vous aimez, vous les garçons, c'est ça. C'est ça que vous aimez, vous les garçons. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, Christian, mon petit frère, eh, petit vieux. Paris, la maman de Bissot Solo. Eh bah, à vous de venir tout, madame. Yakuta masa. Atoma na mangwa wa kwa mnyinyi si o. Atoma na. Atoma na mangwa wa kwa mama mercy. Atoma na. Noma jabere dinga kuisi siaza. Atoma na. Noma jabere kwa ne kuza kwa mwa. Atoma na. Kwa baba bale mtuwa ni sanga mi kamze. Atoma na. Kwa baba bale mje ni sanga mi kamze. Atoma na. Kwa baba liye kwa baba mungo basi zo. Atoma na. Kwa tiani liye biyo ni mungo basi muzi. Atoma na. Kwa baba yamu kuba chani kuisi kamze. Eke mami selunga ni kama na mayanga. Atumanda. Oya mama jambole wone kure na mako. Atumanda. Yeah mama mama mona ba. Atumanda. Bayo lunga na kwa ba yo. Atumanda. Bayo na mani dingo mona ba. Atumanda. Oya mama jiselunga ni yo. Atumanda. Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama, Obama Chantal wa meza nangma Chantal, ou à mes amis, yeah. le pote plus de Patino à Paris. Tourba, le palestinien, le seul et l'unique. Avancer, reculer, avancer, avancer, reculer, Yeah. ane filito ane fila yi hamwani. I'm Madame Edamo Nebaka. Ma pauvre Kelly pour musique, Madame Antoine Mamoufe. Rendez-vous le matin à 6h30. Yeah. Thank you.